cerveau toute l'année. On joue les cow-boys dans les marais, nous les gardiens, boy farmer camargué. Dès les beaux jours, dans les enclos, on met au point nos numéros. Les manades, c'est mieux que les rodéos. Dans les férias, faut pas faire de dégâts. Quand les taureaux sont dans les rues, faut pas être dans les lieux, afin qu'aucun ne s'échappe parmi la foule qui les agace. Attention les gars, à ne pas faire de faux pas. Boy farmer camargué. Quand vient l'été, toute la journée, on s'amuse dans les marais. On est les rois, et c'est bien comme ça. Dans les férias, faut pas faire de faux pas. Oh. Quand vient l'été, toute la journée, on est le centre des intérêts. On est les rois, et c'est bien comme ça. Autour du feu, les gardiens sont heureux. Autour du feu, les gardiens sont heureux.